attendre qu'il le soit pour m'en vouloir de ne pas lui avoir tout dit de vive voix. Allez, zappe le sommeur et réconcilie-toi avec ceux qui te manquent avant d'apprendre qu'ils sont morts. Je parle rarement de ça parce que c'est jamais sans que mon cœur se serre. Toujours avec l'impression que seule ma sœur le sait. Ressongeant à toutes ces occasions de trouver refuge dans des vapeurs de craie. Mais on ne soigne pas son mal au crâne avec l'autre. Donc j'ai refusé le chocolat dans le cellophane ainsi que le paquet de clopes. V'là les potes, je voudrais pas faire dans le mélodrame. Mais encore à l'époque, nous on parlait pas de tâches et de coke. Je ne viens pas tirer des larmes, ventre de la peine. Je ne suis pas le seul enfant que la perte d'illusions a fait grandir trop vite. Les souvenirs, j'ai pris tellement de recul. Laisse-moi refroidir mon sang avant de m'y retrouver. Ma colère me ronge à force de la terre. Papa, tu m'écoutes maintenant. Tu t'assieds et tu la fermes. Des occasions de te racheter, t'en as eu assez. C'est pas à 50 berges que tu vas te découvrir une vocation d'athlète. Mais remercie le ciel d'être encore en vie. Le ciel, n'importe quoi. Remercie celles qui font que je le suis encore aussi. C'est pas un pugilat. Merde, tout ce que je te dis vient du cœur. Puisque c'est ici que se réfugie la haine. Entre autres sentiments dont on s'accommode tant bien que mal. Confiant dans l'avenir, seulement quand les anciens me parlent. Mais c'est pas le sujet. Comment t'as rien assumé, j'en reviens pas. À la rigueur, je t'en tiens pas. En fait, si. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu espérais, hein? Que tes enfants t'en remercient? Flashback. Mes relations amicales stagnent. Nous rêvions simplement d'un cadre familial stable. De ces frasques de blouson noir, je n'ai retenu qu'un corps en fac et une addiction au poison à boire. D'où mon mépris pour les connards qui rient des abstèmes. Même si prévenir des crises de neurasthénie, c'est casse-tête. Ma mère m'a dit, les chiens font pas des chats. Pour autant, est-ce que j'assume tous mes traits de caractère? Pas déjà, mais bon, chacun ses incartades. J'aime tellement que les fascistes me voient comme un hippie et les humanistes comme un spartiate. Rationaliste, franc et un peu fier mais impartial. Je boxe avec les mots, chut, tu fais un pas, je parle, puisqu'incapable de jouer dessus. À part ça, j'aurais aimé qu'il calcule plus sa femme que 5 par 4. Il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais dit je t'aime. Je te le dis à chaque mot de ce poème pour que tu te souviennes, pour que tu te souviennes, pour que tu te souviennes. Je veux pas que tu penses, il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais dit je t'aime. Je te le dis à chaque mot de ce poème pour que tu te souviennes. Si je pouvais, je t'écrirais des lettres pour que tu comprennes.